bienvenue dans la nuit des temps pour celles et ceux qui se sentent naître à minuit. La nuit des temps, Radio Dio. Il n'y a pas que Ryuichi Sakamoto. Il y a aussi Shintaro Sakamoto. Eh bien, figurez-vous que ça n'a rien à voir. Shintaro sort de l'une des plus grandes écoles d'art de Tokyo, la Tamara Art University. Il a créé en 1980 le célèbre groupe de psyché rock, le Yura Yura Teikoku. Et depuis 2010, il mène une carrière solo foisonnante. Comme ce moelleux Don't Know What's Normal. Nous sommes à Tokyo, la rythmique de Marvin Gaye monte tout doucement. Et nous sommes en 2013. <t'en> La nuit des temps, l'international de la danse. finest tunes in country and popular music. And I have some news for you regarding a mystery gift. But first, let me tell you about it. Commence sur les trois notes de piano de la plus longue série télé du monde. Rappelez-vous, les feux de l'amour. Et qu'est-ce que Mary J. Blige nous raconte ? Eh bien, elle nous raconte l'histoire d'une femme qui dit ça suffit. Fini la douleur, fini le drame, terminé les larmes, plus de frayeur. Ça, c'était le génie de Mary J. Blige. C'était produit par Dr. Dre et nous sommes en 2001. Fini les feux de l'amour, fini les soaps. Et c'est notre super power play de la semaine. No more drama. Oh. Three is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you three as a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners, every triangle has three sides, no more, no less. You don't have to guess. When it's three, you can see it's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now the multiples of three come up three times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9, and in the teens 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27, and it comes out even on 30, yeah. Now multiply backwards from 3 times 10. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And 3 times 1 is 3, of course. Take the pattern once more. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Yeah. 30. Now multiply from 10 backwards. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. And 3 times 3 is 9. And 3 times 2 is 6. Three times one. What is it? Three! Yeah, that's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number. Mais oui, on peut toujours imaginer un nouveau départ avec le chiffre 3. Chiffre porte-bonheur pour Bob Dorrow, surtout connu pour avoir composé les musiques de la série éducative et musicale Schoolhouse Rock sur la télé ABC aux États-Unis et diffusée entre 1973 et 1985. Et dans cette école du rock and roll, il y avait ce génial Three is a magic number. Et oui, 3 est donc bien un chiffre magique pour tout recommencer. New Beginnings, Lucas Evan. Nous sommes soudain en 2023. Thank you. La nuit des temps, Radio Duo. C'est un peu foufou, il mène une double vie. Médecin le jour et musicien la nuit. Son papa construisait lui-même ses synthétiseurs dans les années 70. Et le petit Léon, aujourd'hui, eh bien, il s'éclate sur ses machines entre deux urgences. Léon fois Léon. Solide dose. Nous sommes à Paris en 2023. Et vous, vous traversez la nuit des temps sur Radio Duo. Solid Dose. Léon et Léon. La nuit des temps, l'international de la danse. Avant la mode, Mary J. Blige, une production des Neptunes. Et nous sommes en 2001 et c'est notre powerplay de la semaine, Still Away. Et c'est un extrait de l'album No More Drama qui est un pur chef-d'œuvre de ce début des années 2000 puisque nous étions en 2001 et on retrouve bien sûr à la production Dr. Dre. Running away from life is hard to do, especially when there's nothing else for you. La nuit des temps, Radio Duo. Je suis un musicien des rues. J'ai tout vu, des voleurs et des bagarres. Mais comme tu vois, je garde la tête haute. Et c'est un peu comme nous, lorsque nous refermons les portes de la nuit des temps. Et c'est sur le son de ce street player des célèbres Chicago que nous célébrons, que nous allons célébrer celles et ceux qui ont foulé le dance floor de l'international de la danse ce soir. Eh bien ce soir, dans la nuit des temps, il y avait les branchouilles Born at Midnight. Il y avait également Yin Yin depuis Montréal, Shintaro Sakamoto, Sten, vous l'avez reconnu, la sublime Mary G. Blige en powerplay cette semaine. Pour toujours tenir la dragée haute au R&B des années 2000. On a également reçu Bob Dorough, le monsieur d'ABC, Lucas slash Evan, qui aurait pu faire un fort joli powerplay aussi. Le foufou Léon, Léon fois Léon, Léon x Léon, c'est un double Léon. Ah oui, on n'est pas mauvais en maths. Il y avait également Alan Parker, qui porte le nom d'un réalisateur de films célèbre dans les années 80 et 90, mais là, c'était le musicien. Et puis Chicago, pour se dire au revoir. Sans compter, dans quelques minutes, le bonus, The Buckheads, qui a repris allègrement ce street player pour en faire une pure rythmique dance. C'est ça la magie des époques. 1979, puis 1995. 1979 et puis 1995, Street Player. That wasn't the second game, and I'm not going to be long this morning. The second game, and I took inventory of several people. The second most popular game that we played as children is house. Mais nous, en attendant, les 22h sonnantes, on lève le nez vers le ciel. On lève le nez vers le ciel de Saint-Étienne et on regarde les étoiles briller pour nous, rien que pour nous. Restez bien sur Duo. C'était la nuit des temps. Buona notte. Salut. L'international de la danse.